أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation en degrés les plus complets, les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid-din. C'est-à-dire, celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc ainsi, la semaine dernière, nous avons parlé du jeûne, de l'obligation du jeûne de Ramadan. إذن تكلمنا عن فرضية صيام شهر رمضان. Et que Ramadan, le début du mois, est confirmé par l'observation. Conformément au hadith, صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن بداية الشهر يثبت برؤية الهلال كما ورد في هذا الحديث. Donc il signifie jeûner à la vue du croissant et interrompre le jeûne à la vue du croissant. Et si vous ne l'avez pas vu, poursuivez le compte de Sha'ban à 30 jours. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et donc la ru'ya takun yawm al-ahad laylan ba'd al-ghuroub. Hadha al-ahad. Donc la vision, c'est ce dimanche-là, au soir. Donc, Inch'Allah, il y aura la confirmation. Donc, sur la page du site, sur la page d'accueil, il faut recharger la page. Donc après, donc, la vision, donc, c'est après le Maghreb. Et donc, la ru'ya takun ba'd al Maghreb. إذن سيكتب يعني الثبوت أم لا يعني على الموقع فالإنسان يعني يجدد عرض الصفحة حتى يرى المعلومة الجديدة. Donc on a vu que dans le hadith que Abdullah fils de Omar il a dit: J'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'avais vu le croissant et là, il a alors commencé le jeûne et a ordonné aux gens de jeûner. Donc le début du mois de Ramadan est confirmé par quelqu'un de adl, musulman, donc juste, qui ne fait pas des grands péchés et donc d'autres conditions. Donc ainsi le prophète il s'est basé sur la parole de Abdullah fils de Omar qui est un homme vertueux et il a ordonné aux gens de jeûner. Yann Ramadan yathbutu bi ru'yati thiqa kama qulna kama warada fi hadith Abdullah ibn Omar wa huwa thiqa annahu qala akhbartu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anni ra'aytu al-hilal فالنبي بدا بالصيام وامر الناس بالصيام. Donc observer les croissants lunaires des différents mois est une obligation d'ordre communautaire dans la religion. ترى الأهلة يعني للشهور القمرية فرض كفاية. Donc on a dit on voit après le coucher. Au début c'est il reste peu de temps. Donc on a à peu près 20 minutes pour observer. إذن يرى يعني في جهة الغروب ويبقى تقريبا 20 دقيقة من بعد الغروب. Donc on a dit donc c'est confirmé le jeûne, alors c'est devenu obligatoire pour les habitants de la région et la région qui est proche où le croissant était vu. Qui ont les mêmes horaires de lever du coucher du soleil. Mais pas dans les régions où qui n'ont pas les mêmes horaires de lever du coucher. C'est ainsi selon Shafi'i. لن يثبت عن البلاد القريبة من بلد الرؤية، يثبت في بلد الرؤية إذا ثبت بالثقة، والبلاد القريبة التي لها نفس مطلع الشمس، يعني نفس المطلع والغروب، نفس وقت طلوع الشمس وغروبها. هذا عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. Donc selon Abu Hanifa, alors il est un devoir de jeûner pour les habitants de toute région ayant appris la confirmation du jeûne dans n'importe quelle autre région, quel qu'en soit l'éloignement de la région où a été confirmée l'observation du croissant. Donc ceux qui suivent Abu Hanifa, ben, et donc ils suivent, donc ils s'accordent tous, donc du moment que c'est confirmé dans une région. Et ceux qui suivent l'avis de Shafi'i, donc ils suivent que la région proche. Et c'est pour ça, des fois, il y a le décalage. Il y en a, ils commencent et d'autres, ils commencent pas parce qu'ils sont éloignés, ils n'ont pas vu donc le croissant. Donc, ils peuvent pas suivre la région où a été vu car elle est éloignée d'eux. Et dans le Shafi'i, يعني قد يقع اختلاف، يعني أنه في ناحية رأوا في الناحية أخرى لم يروا، فلا يتبعون البلاد التي رؤي فيها لأنهم بعيدين عنها، فلهذا بعضهم يبدأون وبعضهم يتأخرون يوما، وهذا يعني هكذا عند الشافعي. Et donc, on a rappelé aussi une chose importante, c'est que si quelqu'un il prie pas, donc c'est un grand péché. Mais on ne dit pas que ton jeûne n'est pas valable. Beaucoup, donc malheureusement, il ne prie pas, mais il jeûne quand même. Ça fait moins de péché quand même. Mais on ne dit pas que ça ne sert à rien. Car le jeûne, donc, il est indépendant de la prière. Quand est-ce que c'est pas valable? C'est quand il renie la prière, il se moque de la prière, ou il la rabaisse, ou il considère pas grave le fait de la délaisser. Là, ça annule son islam, et là, il sort de l'islam, et son jeûne ne peut pas être valable tant qu'il ne délaisse pas la mécréance. Il revient à l'islam par les deux témoignages. Mais le fait de délaisser par paresse la prière, c'est un grand péché, et donc son jeûne, quand même, il est valable. Et donc, comme nous l'avons dit précédemment, من ترك الصلاة كسلا من غير إنكارها من غير استهزاء بها هذا مسلم عاصي فيصح صيامه، فلا يقال له ما فيش فايدة تصوم، لأنه إذا لا يصوم يزداد ذنبا فيكون أكثر ذنبا. أما الذي يترك الصلاة وينكرها ويستهزئ بها أو يعتبر يقول معليش يعني عن تركها، هنا يكون كذب الدين فيكون خرج من الإسلام، فبالتالي لا تصح عبادته من صلاة ولا صيام إلا أن يترك العقيدة الفاسدة ويرجع للإسلام بالشهادتين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. Donc l'obligation du jeûne sont au nombre de deux. إذن فرائض الصيام اثنين. Donc il y a l'intention et le fait de s'abstenir. إذن النية والإمساك، لأن تعريف الصيام هو الإمساك عن المفطرات من أكل وشرب ونحوهما من الفجر إلى الليل مع النية المبيتة بالقلب. Donc s'abstenir. Donc le jeûne c'est quoi dans la religion? C'est s'abstenir donc de ce qui annule le jeûne, comme manger et boire, et ce qui est autre que cela, depuis l'aube jusqu'au coucher, avec une intention mise de nuit. Donc depuis l'aube, nous avons bien expliqué que dans la région parisienne, donc, et ça c'est connu par les gens spécialistes dans le sujet, que dans la période de juin, il y a environ 20 heures de jour et environ 4 heures de nuit. Donc faire attention à ceux qui disent aux gens de manger alors que l'aube elle est déjà rentrée. Donc ça, il faut faire attention à cela. Il faut pas suivre les mauvais penchants de l'âme. Et manger alors que l'aube elle est rentrée, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit "Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." C'est-à-dire Il y en a, ils pensent faire le jeûne, ils ne gagnent que cela, de cela que la faim et la soif. إذن كما بينا وهذا معروف عن عند أهل الخبرة أن المختصون في هذا الأمر أن النهار في ناحية باريس في يعني في جوان طوله تقريبا 20 ساعة والليل تقريبا 4 ساعات فيكون 20 ساعة صيام donc 20 heures de jeûne. Bien sûr, on a expliqué donc que celui qui est, il a une maladie insupportable, qui ne peut pas jeûner, dans ce cas, il ne jeûne pas, il rattrapera. Donc, ce n'est pas juste, il a envie de manger ou il a envie de fumer, donc, qui serait une excuse pour ne pas jeûner. Ou simplement, il a faim. C'est quand il a, il lui advient une difficulté insupportable à cause d'une maladie, d'un âge avancé. Donc là, il peut ne pas jeûner. Après, il y a des manières, donc rattraper, s'il peut jeûner quand ça sera la journée plus courte ou quand il guérira. Ici, c'est cette maladie dont on n'espère pas la guérison, où l'âge avancé ne permet pas du tout de jeûner, donc ça sera donner une expiation. Nourrir un pauvre tous les jours. إذا كان الإنسان لمرض أو لأنه كبير في السن لا يستطيع الصيام فهذا يعني لا يصوم وعلى حسب الحال إن كان يستطيع عندما يكون النهار أقصر يصوم أو عندما يشفى إذن يصوم وإن كان مرضه مرض لا يرجى برؤه أو بسبب كبر السن لا يستطيع أن يصوم لا نهار طويل ولا قصير فهذا عليه الفدية وهي إطعام مسكين مسلم كل يوم. Donc l'intention a lieu dans le cœur. Il n'est donc pas une condition de la prononcer avec la langue. Il est un devoir de la faire pendant la nuit qui précède le jeûne. Donc, on a le temps depuis le coucher jusqu'à l'aube pour faire l'intention. Et donc, وقت النية من الغروب إلى الفجر. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له. Donc, le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit: celui qui ne met pas l'intention de nuit avant l'aube, son jeûne n'est pas valable. Et donc, هي عمل قلبي ولا يشترط النطق بها. On fait de même si s'il s'agit d'un rattrapage, donc si on rattrape pareil, on met l'intention de nuit. كذلك في القضاء ينوي بالليل. Donc il est aussi un devoir de préciser de quel jeûne il s'agit, comme de préciser qu'il s'agit du jeûne d'un jour de Ramadan. Il précise que c'est un jour de Ramadan. J'ai l'intention de jeûner le jour suivant de Ramadan, en accomplissant l'obligation de Ramadan. D'un vœu, donc si c'est un jeûne par vœu, ou d'une expiation, même si l'on ne cite pas la cause. De plus, il est un devoir de faire l'intention pour chaque jour. Donc selon Shafi'i, il faut tous les jours. إذن يعين أنه من رمضان كان يقول نويت صيام غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة أو أنه عن نذر أو أنه عن كفارة وإن لم يبين سببها ولابد أن ينوي كل يوم عند الإمام الشافعي. En effet, il ne suffit pas de faire l'intention au début du mois pour tout le mois selon Shafi'i. Mais selon Malik, il peut, si c'est confirmé l'observation, et par exemple si c'est dimanche confirmé l'observation, il peut mettre le soir j'ai l'intention de jeûner 30 jours par accomplissement de l'obligation de Ramadan cette année. Si ça commence le mardi, il fait donc la veille. إذن عند الشافعي لابد ينوي كل يوم. عند مالك يصح أن ينوي عن الشهر كله. مثال إن ثبت الرؤيا يوم الأحد ليلا فينوي عن الشهر كله. Donc l'intention complète, ils ont dit, les savants, Il dit, j'ai l'intention de jeûner le jour qui vient du mois de Ramadan de cette année, par acte de foi et par recherche de l'agrément de Allah. Donc il dit, nawaitu, donc dans son cœur, nawaitu, sawmaradin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sana, imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. In kamal niyan yaqul hadha. Donc selon les Malik alors, il peut mettre l'intention durant la nuit du premier jour de Ramadan pour tous les jours du mois. On dit avec son cœur, par exemple, j'ai l'intention de jeûner 30 jours au titre de l'obligation du jeûne de Ramadan de cette année par acte de foi et par recherche de l'agrément d'Allah. إذن يقول عند الملكية مثال نويت صيام 30 يوما عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. Donc aussi, la femme qui a les menstrues ou les louchis ne jeûne pas, elle doit rattraper. Mais si les menstrues s'arrêtent le soir, elle met l'intention pour jeûner. Donc son intention est valable même avant d'avoir fait la grande ablution. Du moins que ça s'est arrêté avant l'aube, donc l'écoulement du sang. Donc l'intention est suffisante une fois qu'on a fait avant de manger ou après, du moins qu'on a fait dans le soir. إذن النية تكفي مرة واحدة بالليل إن كان فعل النية قبل الأكل والشرب أو بعده. المرأة الحائض لا تصوم وتقضي أو التي لها عندها النفاس. إذا انقطع الحيض ليلا قبل الفجر عليها أن تنوي ولو قبل فعل الغسل يصح النية أن تنوي أن تصوم يوم غد. Donc il faut aussi s'abstenir de toutes les choses qui rompent le jeûne. Ceci depuis l'apparition de l'aube véritable jusqu'au coucher du soleil. Il est un devoir de s'abstenir donc du fait de manger, de boire, ainsi que d'introduire tout ce qui a un volume, même petit, dans la tête, le ventre ou ce qui est semblable, à partir d'un orifice ouvert tel que la bouche ou le nez. Ne serait-ce qu'un grain de sésame, une goutte d'eau ou de médicaments, ou même des petites particules comme la fumée de cigarette. C'est-à-dire s'il fume, ça annule. Mais le fait de sentir l'encens ou la fumée de cigarette d'autres, en fait, qui provient de l'extérieur, cela ne donc n'annule pas le jeûne. Et aussi, ne pas introduire des choses dans les orifices inférieurs, antérieurs ou postérieurs. Ceci depuis l'aube jusqu'au coucher. إذن لابد كذلك يمسك عن كل ما يبطل الصيام من الفجر إلى الغروب منها الأكل والشرب وإدخال كل ما له حجم ولو صغيرا في البطن أو يعني من منفذ مفتوح كالفم والأنف ولو صغيرا كحبة سمسم أو قطرة ماء أو دواء أو أشياء أجزاء صغيرة كالتي تنحل من دخان السيجارة معناها الذي يشرب السيجارة يستعمل السيجارة هذا بطل صومه أما لو يشم رائحة السيجارة من غيره أو دخان هذا لا يبطل الصيام كذلك من القبل والدبر إدخال شيء في القبل والدبر Donc celui qui mange ou boit par oubli, même en quantité et même durant le jeûne surrogatoire, n'a pas rompu son jeûne. Donc dans le hadith, ainsi il est rapporté, dans ce hadith rapporté par le Bukhari, qui signifie « Celui qui a oublié en faisant le jeûne, qui a mangé ou bu, qu'il poursuive son jeûne, certes c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. » Donc c'est par oubli, ça annule pas. Donc se faire vomir, ça annule. Donc provoquer le vomissement. Donc il est un devoir de s'abstenir de provoquer le vomissement, délibérément par exemple, avec son doigt, même s'il n'en a rien avalé dans son ventre. Et celui qui a vomi sans l'avoir provoqué, il n'en avale rien, il n'a pas rompu son jeûne. Il a vomi, par exemple, il était malade. Cependant, il se purifie la bouche avant d'avaler sa salive. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Man dhara'ahu al-qay'u ay ghalabahu wa huwa sa'im, falaysa alayhi qada'. Wa man istaqa'a falyaqdi. Rapporté par Al-Hakim et les quatre, At-Tirmidhi, Ibn Majah, An-Nasa'i, Abu Daoud. Ce qui signifie: celui qui a été gagné par le vomissement alors qu'il faisait le jeûne ne doit pas le rattrapage, mais celui qui l'a provoqué doit rattraper. إذا غلبه القيء فهذا يغسل فمه يطهر فمه قبل أن يبلع ريقه. أما إن استقاء طلب القيء بنحو إدخال إصبعه أو ريشة تعمد طلب القيء هنا فتقيأ هنا بطل صومه. Donc les gouttes introduire dans le nez ou les oreilles, si le médicament parvient jusqu'à l'intérieur du corps, et également donc le clistère par les deux orifices inférieurs, antérieur ou postérieur, c'est-à-dire introduire comme un tuyau dans les orifices inférieurs, antérieur ou postérieur, ça annule. Les gouttes dans les yeux, en revanche, n'auront pas le jeûne, ni l'injection à travers le pot, la peau, le muscle ou les veines. Dans les yeux, selon chef, et ça n'annule pas. Et puis, à travers les veines, comme une seringue, une piqûre. Donc, ça annule pas le jeûne, en fait. Ou aussi, par exemple, appliquer une pommade qui rentre par les trous de la peau, ou de l'huile d'olive, par exemple. Ça annule pas le jeûne. Et dans le qatra fait, الأنف إن دخل إلى الداخل وفي أو في الأذنين كذلك إدخال شيء في القبل والدبر إدخال شيء للتنظيف أو دواء هذا مبطل للصيام. أما القطرة في العين عند الشافعي لا تبطل لا تبطل. كذلك الإبرة في العضل أو تحت الجلد أو الشريان إذن هذا لا يبطل. إبرة يدخلون إبرة ومن خلالها يدخلون دواء أو شيء هذا لا يبطل. L'évanouissement qui dure toute la journée. Le jeûne de quiconque est resté donc qui est resté évanoui toute la journée de l'aube au coucher du soleil, de l'aube au coucher du soleil n'est pas valable. S'évanouir toute la journée. S'il s'évanouit une partie de la journée, ça annule pas le jeûne. Mais celui qui est atteint de folie, ne serait-ce qu'un instant, ceci annule le jeûne. Par contre, dormir toute la journée, ça annule pas le jeûne chez les savants. Dormir toute la journée, ça annule pas le jeûne. Bien sûr, si la personne elle est réveillée, elle doit faire les prières. S'il s'est endormi, par exemple, admettons que c'était le jeûne en hiver et que la journée est courte, puis il a eu une occupation toute la nuit, puis s'est endormi. Donc de l'aube jusqu'au coucher du soleil, donc ça annule pas le jeûne en fait. Ce n'est pas pour inciter les gens à dormir, mais pour préciser donc les règles selon la religion. Parce que les règles de la religion, c'est pas selon la vie personnelle. إذن الإغماء إذا كان أغمي عليه كل النهار من الفجر إلى الغروب هذا لا يصح صومه. أما إن أغمي عليه جزء من النهار يصح الصوم. كذلك إن جن أصيب بالجنون ولو لحظة بطل الصوم. أما من نام كل النهار هذا لا يبطل الصوم. هذا ليس في حث على النوم إنما بيان الحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي ليس بالهوى وبالرأي إنما من الشرع الحكم الشرعي يؤخذ من الدليل الشرعي. Donc le rapport conjugal ça annule le jeûne bien sûr. الجماع هذا مبطل للصوم بالطبع. كذلك donc de même faire sortir du mani le sperme ou son équivalent féminin par la masturbation ou le contact. Cela annule le jeûne. دونك سا سا انول لو جان، اخراج المني بالمباشره باليد او بالمباشره هذا يبطل الصوم. لي مونسخي ولي لوشي، ستادير سي سا ادفيان لي مونسخي ولي لوشي دونك سا انول لو جان، مي يا با دو بيشي بيان سور. Si ça advient au milieu de la journée, bah c'est annulé. Donc, il faut rattraper. إذا طرأ الحيض أو النفاس في النهار بطل الصوم. طبعا ليس فيه معصية إنما بطل الصوم. Donc, comme on l'a dit déjà, il faut s'assurer donc de l'entrée du Maghreb pour la rupture et s'abstenir avant l'aube. Parce que c'est vrai, c'est recommandé de se hâter de rompre, mais quand on s'est assuré, quand on s'est assuré que il y a eu le coucher du soleil. Et donc, la bonne insane est assurée de غروب الشمس للإفطار. هو يسن التعجيل بالفطور. إن تأكد دخول المغرب غروب الشمس. وليس مجرد إذاعة. Ce n'est pas simplement la radio. Et l'imtina' yumsik mina al-fajr. يقول الله تعالى في القرآن الكريم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن يعني هذا الخيط الأبيض هو هنا المراد به الفجر، يبدو رقيقا ثم ينتشر ويتوسع في جهة الشرق. Donc la ayah signifie « Il vous est autorisé de manger et de boire jusqu'à ce que la distinction entre la blancheur du jour et l'obscurité de la nuit vous apparaisse à l'aube et poursuivez le jeûne jusqu'à la nuit. » C'est-à-dire donc qu'on voit le film, c'est-à-dire l'aube qui est fine en réalité, qui commence fine, horizon est, ensuite s'élargit et se propage. Donc ça, il faut aller observer. C'est pas juste à la maison qu'on va voir ça. Surtout dans où il y a beaucoup de résidences, au milieu de la ville, etc. Ou demander à des gens qui sont partis observer. C'est pas simplement regarder des calendriers imprimés. La personne, elle a pas d'excuses. إذا الإنسان لا يعذر أنه مجرد ينظر إلى اليوميات والرزنامات يعني المطبوعة أو الإذاعة، لابد يذهب ويراقب أو يسأل من راقب. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد الله صلى الله عليه وسلم دي رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Ce qui signifie, il se peut que quelqu'un pense faire des prières surrogatoires de nuit, il ne gagne de cela que le manque de sommeil. Il se peut que quelqu'un pense faire le jeûne, il ne gagne de cela que la faim et la soif. إذن لا يكفي النية، لابد النية والعمل. Donc ici ça montre que c'est pas suffisant de dire j'ai la bonne intention. Donc la bonne intention toute seule ne suffit pas. Donc ainsi celui qui a mangé après l'aube, croyant que l'aube ne s'est pas encore levée, son jeûne n'est pas valable. Il doit le rattrapage, il doit s'abstenir des choses qui auront le jeûne le restant de la journée. إذن فمن أكل بعد ظهور الفجر وهو يظن الفجر ما دخل ولكن الفجر دخل يومه صيامه لا يصح، لابد يقضي هذا اليوم ويمسك بقية النهار، يعني يمسك عن المفطرات، يمتنع عن المفطرات. Comme on a dit aussi, la mécréance et l'apostasie rompent le jeûne. Donc il est un devoir pour le musulman de se maintenir en islam à jamais, pendant Ramadan et en dehors de Ramadan. Il est donc un devoir d'éviter de tomber dans la mécréance. كذلك الردة تبطل الصيام فلابد علي أن يجتنبها، لابد أن يجتنبها. لهذا قال أحد الصحابة سألت عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه فإنه من لم يعرف الشر يقع فيه. Donc un des compagnons l'a dit, j'ai demandé à connaître c'est quoi le mal, c'est pas pour le faire, mais pour l'éviter. Celui qui ne connaît pas le mal risque d'autant plus d'y tomber. Donc il faut éviter la mécréance par ces trois sortes. La mécréance par la parole, comme celui qui insulte Allah, le Coran ou l'islam, ou celui qui s'est dit non-musulman, ou celui qui attribue à Dieu les attributs des créatures, le changement, l'humeur, la colère, tout ce qui est les attributs des créatures. De même, la mécréance par la croyance, comme le fait de croire que Allah est un corps, une lumière ou une âme. Parce qu'on a dit, tout ce qui est une forme, une quantité, une localisation a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité, cette localisation. Et celui qui a besoin n'est pas Dieu. C'est ça la croyance de tous les prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad, alayhi salatu wa salam. Donc, attribuer à Dieu l'endroit ou la quantité est de la mécréance. Et donc là, le jeûne n'est pas valable tant que la personne ne délaisse pas la mauvaise croyance. En prononçant les deux témoignages, pour revenir à l'islam. La mécréance par les actes, comme le fait de jeter le livre du Coran dans les ordures, ou la prosternation pour une idole, ou le nom de Dieu dans les ordures. De même, aider à la mécréance, aider quelqu'un à faire la mécréance, ou à prononcer la mécréance, ou approuver la mécréance de lui. Comme par exemple, il y a des gens, ça arrive pendant Ramadan, et des gens ils veulent se convertir. Du fait qu'il fréquente des musulmans et quelqu'un lui dit attends, il y a même des salles de prière lui disent attends, attends le vendredi, attends, attends, va te doucher, reviens plus tard, va te circoncire, va apprendre, jeûne d'abord avec nous. Donc retarder quelqu'un qui veut devenir musulman, c'est de la mécréance. Ça revient à approuver son état de mécréance. Donc comme on l'a dit, c'est pas une condition de se laver, de se toucher, de se parfumer, de changer de nom, d'être devant l'imam, de venir le vendredi pour devenir musulman. La condition, c'est de prononcer les deux témoignages ou les croyants, dans n'importe quelle langue. Il n'est de Dieu que Dieu. Mohammed est le messager de Dieu. Ahmed est le messager de Dieu. Si on ne sait pas dire Mohammed ou Ahmed, on peut dire Aboul Ghassim est le messager de Dieu. C'est le surnom du prophète. Aboul Qasim ou Aboul Ghassim est le messager de Dieu. إذن هناك يعني أقوال واعتقادات وأفعال تخرج الإنسان عن الإسلام فيبطل بها صومه يبطل الإيمان ويبطل صومه يخسر كل الحسنات كمن يسب الله والعياذ بالله يسب الدين الإسلامي القرآن كما يحصل في بعض البلاد الإسلامية أو الذي يقول عن نفسه كافر ولو يمزح أو يقول عن نفسه غير مسلم الذي يشبه الله بخلقه نسبة الجهة المكان تغير إلى الله هذا تشبيه الله بخلقه والشرك ومخرج من الإسلام هناك الردة بالعقيدة اعتقاد الفاسد كاعتقاد أن الله جسم يسكن السماء ويجلس على العرش أو أنه ضوء أو أنه روح وهذا كله مخالف للقرآن مخالف للعقيدة الإسلامية لأن يعني عقيدة الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى موجود لا يشبه شيء من خلقه ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد لا يوصف بالزمان ولا بالمكان مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك خالق السماوات والأرض والزمان والمكان لا يحتاج إلى خلقه غني عن العالمين لا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف. Donc on ne dit pas où, ni quand, ni comment, on ne dit pas qu'il est partout, on dit que Dieu existe sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Et donc, لا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف. لا يقال في كل مكان. الله موجود بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. كذلك من يرمي المصحف في المزبلة أو يرمي اسم الله أو يدوسه donc piétiner le Coran au nom de Dieu ou s'asseoir dessus الذي يجلس على اسم الله أو يسجد لي صنم الذي يعين غيره على الكفر يحث غيره بأن يسأله سؤال ويعرف سيقول الكفر أو يحمله لمكان يفعل فيه الكفر أو يرضى له ذلك يقول معليش عن الكفر donc celui qui dit c'est pas grave sur la mécréance où il y a pas de mal où il la qualifie de bien يصف الكفر بأنه خير أو محترم إلى غير ذلك كذلك من الرضا بالكفر كما يفعل في بعض المساجد إنسان يريد أن يدخل الإسلام فيقولون له اذهب واغتسل وارجع يوم الجمعة وصم معنا وكذا وكذا انتظر كذا وهذا خروج من الإسلام كما ذكر النووي، لأن فيه رضا بالكفر. دخول الإسلام شرطه أن يتشهد بأي لغة ويعتقد، وليس شرط أن يكون في مكان معين مع إمام مع شهود، لا، هذا كله ليس شرط. إنما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بأي لغة. إذا لا يعرف يقول محمد، يقول أحمد، إذا لا يعرف يقول أبو القاسم أبو القاسم، يصح هذا. ولا يقال محمد، ne compte pas Mahomet, Mohammed, c'est pas le nom du prophète. محمد، أحمد، أبو القاسم، أبو القاسم. Donc en effet, persévérer sur la foi de l'islam et ne pas la rompre est une condition de validité du jeûne pour celui qui le fait. La mécréance est donc une cause d'invalidation du jeûne. Donc déjà, il perd toutes les hasanates et puis ça annule le jeûne. إذن بالكفر يخسر كل الحسنات ويبطل صومه. فرض علي أن يرجع الإسلام فورا بالشهادتين وليس بقول أستغفر الله. فرض على donc c'est une obligation pour lui de revenir à l'islam par les deux témoignages. C'est pas en disant أستغفر الله, en délaissant la mécréance. Et il doit s'abstenir le restant de la journée des choses qui annulent le jeûne. Puis rattraper immédiatement après Ramadan et après le jour de la fête Al-Aïd. Il doit quand même s'abstenir le reste de la journée. إذن يرجع الإسلام بالشهادتين ثم يمسك بقية النهار هذا يوم فاسد ولكن لا يأكل فيه ثم يقضيه بعد رمضان ويوم العيد فورا. Donc, par exemple, il n'est pas permis de se rendre permis le fait de vendre de l'alcool ou de donner à manger pendant Ramadan. Parce que considérer permis ce que Dieu interdit est de la mécréance. Mais commettre ces péchés-là, donner à manger pendant Ramadan aux gens ou vendre de l'alcool ou des choses interdites, donc c'est un grand péché. Ça annule pas le jeûne, c'est un grand péché. Mais s'il considère cela licite, ça annule le jeûne. Et beaucoup de gens ignorants, ils donnent à manger pendant Ramadan, alors c'est un grand péché. Donc bien sûr, le prophète il a dit la ta'at al makhlouq fi ma'siyat al khaliq. On n'obéit pas à une créature pour désobéir au créateur. Il faut avoir peur de Dieu en priorité, qui t'a donné les mains, les yeux, le fait d'exister et de respirer. إذن الإنسان عليه أن يخاف الله الذي أعطاه السمع البصر أن يتنفس إلى غير ذلك من النعم. فلا يجوز أن يطعم الناس في نهار رمضان هذا كبيرة حرام. إذا استحل هذا المعصية يخرج من الإسلام أو استحل بيع الخمر. أما إن فعل المعصية المعاصي هذه هو مسلم عاصي وليس كافر، فلا يجوز يستحل الإنسان ويخاف من الله ويتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فخصنا دواس في أديو الشيطان تفيك خوار سي تو كونتينيو با à vendre ce qui est interdit ou à donner à manger pendant Ramadan, tu vas être pauvre, etc. Donc la personne doit se fier à Dieu, il suffit du peu. Donc parce que la mort ne prévient pas et dans la tombe il ne sera pas que de l'argent ou ses proches. إنسان في خبره لا يكون مع المال مع ماله أو أهله. Aussi il faut savoir que goûter le repas sans rien avaler, cela n'annule pas le jeûne. Donc goûter le repas sans rien avaler, cela n'annule pas le jeûne. تذوق الطعام من غير ابتلاع هذا لا يبطل الصوم. De même, la poussière du chemin n'est pas préjudiciable, ni sentir l'encens ou la poussière de la farine. Donc c'est pas préjudiciable. كذلك غبار الطريق أو غبار الدقيق أو البخور هذا شمه لا يبطل الصوم. Donc quant au fait d'avaler les sécrétions du nez, de la gorge ou des poumons ou autres, il y a un détail. Si ces sécrétions ont été avalées à partir de l'intérieur de la bouche, cela rompt le jeûne. Si c'était à partir de ce qui est en dessous du lieu de sortie de Ha, cela ne rompt pas le jeûne, car c'est la partie intérieure, en fait. intérieur, c'est en dessous du ha. Et avant le ha vers la bouche, c'est la partie extérieure. Donc c'est la partie de la bouche. Et après le ha, c'est l'intérieur du corps. Mais rassembler sa salive propre et l'avaler, ça n'annule pas. Toutefois, avaler ses sécrétions n'auront pas le jeûne selon l'école de l'imam Abu Hanifa. Les sécrétions, donc même si ça arrive jusqu'à la langue. Et comme on a dit, s'il vomit, il doit rincer sa bouche avant pour que la salive devienne propre, avant d'avaler sa salive. إذا تذوق الطعام لا يبطل وقلنا إذا الداخل يكون تحت مخرج الحاء حاء إح الحاء والعاء إذا الحاء هو وسط الحلق إذا عند الشافعي إذا ابتلع البلغم من تحت الحاء يعني هنا يكون هذا لا يبطل وإن كان وصل إلى الفم واللسان وابتلعه يبطل أما عند أبي حنيفة لا يبطل أما ابتلاع الريق هكذا وهو صافي ريق صافي هنا لا يبطل Donc, comme on a dit, fumer, ça annule, mais sentir la fumée d'un autre qui fume, ça annule pas. استعمال السجارة يعني بنفسه هذا يبطل، أما أن يشم رائحتها من غيره هذا لا يبطل. Donc la goutte dans le nez, on a dit, et dans l'oreille annule le jeûne si le médicament parvient jusqu'à l'intérieur du corps. Selon un avis, la goutte dans l'oreille n'annule pas le jeûne. إذن القطرة في الأنف والأذن تبطل إن دخل وصل إلى داخل الجسم الدواء أو غيره وعند بعض العلماء القطرة في الأذن لا تبطل. Quant au jeûneur, donc, qui dort, s'il sort du mani dans le rêve, lui sort du sperme dans le rêve, son jeûne n'est pas rompu. Mais si c'est, il le provoque à l'état d'éveil, lui, ça annule par contact. Donc, si c'est dans le rêve, donc, إذا كان رأى شيء في المنام وخرج منه المني وكان في النهار هذا لا يفسد صومه أما إذا أخرجه المني بيده هذا يبطل صومه Donc celui qui s'est réveillé junub d'un rapport ou autre, par exemple, donc il a fait un rapport conjugal avec sa femme le soir, il s'est endormi, il s'est réveillé le matin. Son jeûne il est valable parce que c'était avant l'aube qu'il a fait ça. Il fait la grande ablution pour la prière. Il s'est réveillé à l'aube et puis il fait la grande ablution pour la prière. Et il continue le jeûne. إذن إذا استيقظ جنوب من أهله جمع امرأته ليلا ثم استيقظ في الفجر وهو جنوب هنا يكمل الصوم ويغتسل للصلاة. عن عائشة رضي الله عنها دبخ عائشة الله لغير الذي كان رسول الله يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم rapporté par le Bukhari ce qui signifie le messager de Allah était atteint par l'aube alors qu'il était junub de sa femme puis il faisait le rusl il faisait la prière Donc, quant au fait d'embrasser l'épouse avec désir, dans la journée en fait, Il est interdit s'il craint l'émission de manie. Et il a été dit que c'est déconseillé. Donc c'est déconseillé ou interdit s'il craint qu'il va lui sortir du sperme. Donc toutefois, ça annule pas le jeûne s'il lui sort rien en fait. S'il n'est pas sorti de manie. إذن تقبيل الزوجة في النهار بشهوة حرام على قول إن كان يخشى خروج المني ومكروه على قول أما إن لم يخرج منه المني هذا لا يبطل الصوم. Donc mais il y a donc faire attention, il y a un faux hadith dans lequel ils prétendent cinq choses annulent le jeûne: le regard interdit, le mensonge, la médisance, rapporter les paroles les uns aux autres pour semer la discorde et le baiser. Cette parole n'a aucun fondement et a été attribuée mensongèrement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça annule pas le jeûne, donc ni le regard interdit, même si c'est un péché, le mensonge, donc sauf si il tombe dans la mécréance, il ment sur la religion de telle sorte que ça comporte un démenti. La médisance, rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde et le baiser. Ça annule pas, donc sauf si ça entraîne la sortie de manie. Cependant, certaines de ces choses annulent les récompenses, comme rapporter la parole des musulmans entre eux pour semer la discorde. Mais le jeûne reste valable. إذن هناك حديث مكذوب عن النبي يقولون فيه خمسة يفطرن الصائم: النظر المحرمة والكذب والغيبة والنميمة والقبلة. هذا مكذوب. أما إن كان وقع في الكفر كذب بشيء يكون تكذيب للدين هنا يبطل الصوم أو قبل فخرج منه المني. قبل بشهوة وخرج المني هنا يبطل، مجرد قبلة لا يبطل. أما بعضها كالنميمة نقل القول بين المسلمين للإفساد يذهب ثواب الصوم ولا يبطل الصوم. Donc إن شاء الله la prochaine fois nous verrons des détails sur le rattrapage et autres. Et comme on a dit, dans la hessa المقبلة إن شاء الله نرى تفاصيل عن القضاء وغير ذلك إن شاء الله. Donc comme on a dit, c'est confirmé par l'observation et donc il suffit donc de revenir donc sur la page. Donc c'est ce dimanche soir l'observation. Donc comme on a dit, c'est confirmé selon Abu Hanifa du moins que c'est vu dans n'importe quelle région. Et donc, beaucoup y suivent l'avis de Abu Hanifa, du moment que c'est confirmé par des gens, des musulmans dignes de confiance. Il y a des régions qui le soleil se couche, donc c'est pour ça qu'il y a l'information avant le coucher, donc à Paris, parce qu'il y a Moyen-Orient et d'autres pays vers l'est où le soleil se couche avant, donc il y a l'information des fois avant. Donc selon Abu Hanifa, c'est valable de suivre n'importe quelle région, comme on a dit. Donc il y a la confirmation sur le site le soir, donc il faut recharger la page d'accueil, donc il faut recharger donc pour voir si donc ou envoyer un mail. Donc n'hésitez pas à vous abonner à une newsletter pour recevoir donc des informations en mettant votre mail. إذن المراقبة يوم الأحد هذا الأحد ليلا هذا الأحد ليلا فيعني كما قلنا عند أبي حنيفة كثير الناس يتبعون قول أبي حنيفة رضي الله عنه في هذا وهو أنه إن ثبت في ناحية وإن كانت بعيدة فيثبت الصيام على الكل إن كان مسلم ثقة رأى الهلال أو أكثر. وكثير البلاد يعني قبل باريس يعني يغرب فيها الشمس فيرون قبل بلاد الشرق الأوسط وغيرهم بلاد اللي هي في الشرق. فإن شاء الله تكون المعلومة على الموقع في الليل، فيجدد إظهار الصفحة حتى يرى المعلومة، أو يرسل ميل، أو يتصل بالأرقام الموجودة على الموقع ويضع إيميل حتى يعني يشترك في الرسالة لتصله المعلومات الجديدة إن شاء الله. Donc voilà, il y aura l'information sur le site. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.